voudrais donc passer ta main. Tu nous manques en bas des tours. Ton absence me joue des tours. Sans toi, j'avoue, ça me fait drôle. T'étais mon meilleur jeu de rôle. Mon ami, mon frère, celui que j'aimais. Le vrai amour, celui qui ne meurt jamais. Mon poteau, je ne t'oublierai mon pas reçu. Mais quel fils de pute a osé te tirer dessus. Ta droite te la donner, celle peut te la reprendre. Dans la vie, vaut mieux laisser les gens qui trompent. La famille, poteau, amour ne peuvent redescendre du ciel. Qui a le droit de donner la mort si ce n'est pour se défendre. Quelqu'un tu la connaîtras avant, ouais. Légitime défense. Mais je cherche rien d'autre que la léger fine défonce. J'ai le son dans le sang, comme le salon dans la chambre. Quand est-ce que je changerai de paysage? Les souvenirs font souvent surface. Les souvenirs font souvent surface. Quelle drôle de surprise, en quelques années tout a changé. Ça ne fait que de continuer. Mais où est-ce que je vais? Si quelques jours, quelques mois, quelques années je pars, qu'est-ce qui me fera connaître le bonheur, la plus pure des joies? J'essaie de la simuler en fumant toutes sortes de drogues. Shit, peu, codéine. Et tu connais les codes. Dites-moi si j'arrête du jour au lendemain. Vous croyez que je parle d'un jour? Tant pis si je sombre. Je reste une histoire comme le Titanic qui ne sera vu et compris que pour la famille. Ils ne seront pas la vérité ni les moindres secrets. Te la donner, seul peut te la reprendre. Dans la vie, vaut mieux laisser les gens qui tremblent. La famille, poteau, amour ne peuvent redescendre du ciel. Qui a le droit de donner la mort si ce n'est pour se défendre? J'aurais voulu chanter dans l'anonymat afin d'éviter le succès. Malheureusement la vie ne dépend pas de nous. Alors excusez-moi si demain je pars. Excusez-moi si je demande je reste. Le cul entre deux chaises. J'effraie mes fesses au sol. T'as cru qu'être à l'aise ferait de toi un mec plus fort. Et je reviens en arrière. Demain je te vengerai. Je suis sédécupé. Et le pire c'est que maintenant je le resterai.